demande qu'est-ce qui peut unir l'homme et la femme. Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui attire deux cœurs. Elle a mitouni, qui est mitouni, qui soit un mitouni, bien en bas mitouni, par quoi va mitouni. Batonyo soba komituna, nini eko benda ka bolingo. Batonyo soba komituna ka, bolingo eloko ninyo. Nena mituni yo mituni, ye mituni ye. Isato mituni binoma mituni, bango ba mituni ye. Unir l'homme et la femme. Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui attire deux cœurs. Elle a mitouni, oh mitouni, yeah mitouni, yeah. Qui s'est mitouni, binoma mitouni, bango va mitouni, yeah. Batonyo soba komituna, minye kobenda kalulango. Batonyo soba komituna ka, bolingo eloko ninyi. Nena mituni yo mituni, ye mituni ye. Kisato mituni binoma mituni, bango ba mituni ye. Ah ah! Thank you. motema nangana pesi yomba siwu batela yango lokola likenge umbajani yona sangolo sangola kulukolo mikana nyo yati salume mekwe ya dinga kata fukanetiko nitakwe mudingi tamonana motema nangana pesi yomba siwu batela yango lokola likenge Bande koba bolingo, to sepeli sa kibino lobby na opera night. Lelo toko tuta musique awa na Bataclan. Biso ba musicien nyoso ya UMC France. To sanganya wa poto sepeli sa bino lelo. Di bongo ba misango banani kudu. Président ya UMC, Théo Blaise Koukou. Le grand Chico de passage à Paris. Balou Kanta, l'enfant terrible. Asidjo et Pucha. Grand Yesu 3S, du Soleil, Kunganga, Mundana Bisso, Kunku de Rivera, na Baningano Soboto Tangite. Bon, na Monique Bobandiko Lemba, Bozela Kipe Mingi. Bon, na Monique Bobola Tobanda. Master Mona Congo, Kadem Pembana Bisso, est-ce que Toko Banda ou bien Toko Banda te? Téléphone, pirate, Simba rythmique malamu, toke sikoyo.

akoi na kamoninga boyete yebaka ko limbisa mama limbisa te amaba ishevi mille papa vraiment ici bas nazali bolonga nina yo likanga ina bondela yo limbisa te amaba ishevi mille papa vraiment ici bas mana seme na se limbisa kamoninga na yo limbisa te amaba ishevi mille papa vraiment ici bas Tika koyoka maroba ya bato que bana basonge belami belami ye ye ye naina ponio belami bona libala tala tobati na yobana kibungiso okoro bango naina ponio belami bona libala tala tobati na yobana kibungiso okoro bango. Satena maloba ya banguna he Mbamba oko regrete o belami Kanisa bambula to salinga na yo Ye bangana ligio o belami Na motema moko Belami, belami ye ye ye Naila ponio belami Ponga libala Tala tobati na yo banda Kepumito bokolo bambu Naila ponio belami, bona libala, tala toboti na yobanda, kibungito bokolo bango. Mama, what do you need to go back?